Il reprit. Enjamber le mur et le fossé et rester là. Ce point est un peu menacé. Ce cimetière étant la clé de la bataille, gardez-le. Bien. Avez-vous quelques bottes de paille? On n'en a point. Dormez par terre. On dormira. Votre tambour est-il brave? Comme Barat. Bien. Qu'il batte la charge, au hasard et dans l'ombre. Il faut avoir le bruit quand on n'a pas le nombre. Et je dis au gamin. Entends-tu, gamin? Oui, mon capitaine, dit l'enfant, presque enfoui sous le givre et la neige, et riant. La bataille, reprit le colonel, sera toute à mitraille. Moi, j'aime l'arme blanche, et je blâme l'abus qu'on fait des lâchetés féroces de l'obus. Le sabre est un vaillant, la bombe une traîtresse. Mais laissons l'empereur faire. Adieu, le temps presse. Restez ici demain, sans broncher. Au revoir. Vous ne vous en irez qu'à 6 heures du soir.